Ben mupeman andam pasio Boni o salinga boye Dana komi kuzonga mboka Polibala na yaki kusimbite Dona yona muto ya mbeto Pongi ya solo ezu wanga iteo Talanzo tona na ebebi Vraiment je suis amoureux de toi Eben mupe mananga pasio Boni o tikinga boye Tana komi kuzonga kini Polibala na yaki kesimite Dona yona muto ya mbeko Pongi ya solo ezu wanga itewe Tuna kulutu na yo alopa Je suis amoureux de toi Et jour après jour, j'ai toujours le mal Que toi es belle Qu'est-ce tu m'as fait Qu'est-ce tu m'as fait Pour n'a comment Malheureux Mon humbu Diabolingo Oyo Malheureux, servile, Apolingo Oyo.